Bon, c'est d'accord. Alors, comment on fait pour se retrouver ? On peut se donner rendez-vous à la gare, juste avant le départ du train. Comment ça, le départ du train ? Des trains, tu veux dire ? Il doit y en avoir beaucoup le vendredi soir. Non, au contraire, il n'y a pas beaucoup de trains. Il vaut mieux réserver des places. Tu en es sûr ? Ce n'est pas une si petite ville que ça, quand même. Si, justement, je vous l'ai déjà dit, Argenton-sur-Creuse est un village. Mais tu nous fais peur, là. Et comment on fera une fois arrivé à la gare d'Argenton ? Il faudra téléphoner à l'avance pour réserver un taxi. Parce que la maison est assez loin du village et qu'il n'y a pas toujours de taxi à la gare. C'est plus amusant si on ne prépare pas trop. Pour un week-end, par exemple. Ce n'est pas la peine d'emporter trop de choses. Mais attention, nous allons dans un gîte à la campagne. Alors comme nous n'aurons pas de voiture sur place, on doit prévoir le nécessaire pour le week-end. On ne va quand même pas partir avec des cartons de nourriture. Mais si, c'est indispensable, car il n'y aura pas de magasin à côté de la maison. Si on t'écoute, c'est une véritable expédition. À la campagne et sans voiture, c'est comme ça. Tu ne veux tout de même pas qu'on réserve aussi la maison ? C'est un week-end très calme, début avril. Mais bien sûr qu'il faut la réserver. On ne peut pas arriver sans prévenir. Tu n'es pas drôle. Tu devrais travailler dans une agence de voyage. Je ne suis pas d'accord avec tant d'organisation. Je préfère partir à l'aventure.